La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'alpinisme entre sport, art et culture. Il y a diverses manières d'envisager l'art d'escalader les montagnes. Dans son roman Le Mont Analogue, René Daumal définissait l'alpinisme comme l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus extrême prudence. Sylvain Tesson, lui-même fieffé grimpeur, considère pour sa part que l'alpinisme est une manière de régler le problème de l'absurdité de la vie en lui opposant un comportement d'une absurdité supérieure. Plus prosaïquement, cette pratique sportive et sociale consiste, nous explique l'alpiniste Cédric Sapin de Four, je le cite, à partir d'un point bas, souvent confortable, pour gagner un autre point idéalement plus haut, plutôt blanc, habituellement plus froid, tendance hostile, mais jugé plus beau, pour revenir au point bas, un jour si possible, le tout via un itinéraire esthétique, et si possible, un poil merdique. Fin de citation. Mais il y a peut-être encore mieux à dire. Le 11 décembre 2019, les représentants des 178 États signataires de la charte de l'UNESCO ont voté l'inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'alpinisme se trouve ainsi hissé au rang de culture. Or, qui dit culture dit immanquablement France Culture. J'ai donc invité trois personnes de la montagne qui vont nous expliquer en quoi, selon elles, et selon désormais presque tout le monde, l'alpinisme est bel et bien une culture. Je commence par Stéphanie Baudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes alpiniste, vous avez été championne du monde d'escalade, vous êtes romancière. Et je vous avais reçu il y a quelques temps pour un livre magnifique intitulé « À la verticale de soi ». Je reçois également Christian Jacquier, bonjour. Vous êtes guide de haute montagne, vous êtes même le président des guides. Exactement. Les guides ont un président. Oui. Élu. Élu. Et mon troisième invité est Bernard Debarbieu. Vous êtes professeur de sciences sociales, je crois, à l'Université de Genève. C'est bien ça. Et vous avez écrit avec Gilles Rudaz un livre intitulé « Les faiseurs de montagne ». Et puis tout récemment, un livre qui porte directement sur notre sujet, qui s'intitule « L'UNESCO au Mont-Blanc », paru aux éditions Chamoniard-Guérin. C'est bien ça. Alors peut-être que c'est vous qui allez nous expliquer comment cette aventure a commencé et qu'est-ce qui justifie que l'alpinisme, de façon aussi unanime, ait fini par être considéré comme une véritable culture. Alors c'est une histoire de 10 ans à peu près, c'est à peu près le temps qu'il faut quelque part pour espérer avoir une inscription à l'UNESCO de façon générale, que ce soit au patrimoine mondial qui est en général plus connu que le patrimoine culturel et matériel, mais il y a deux listes et il y a deux types d'inscriptions du coup. Et c'est une histoire qui a commencé autour du Mont Blanc, d'où le titre d'ailleurs du livre que vous avez cité, entre des vieux partenaires et des vieux complices de projets divers et variés autour de questions culturelles en particulier, Claude Marin, Bernard Prudhomme côté Chamoniard, Luigi Cortese côté Val de Thym, qui ont l'habitude de travailler ensemble parce qu'il y a plein de choses qui se font de part et d'autre du massif du Mont-Blanc et qui ont eu l'idée il y a une dizaine d'années de se saisir de cette vitrine qui est le patrimoine de l'UNESCO pour promouvoir l'alpinisme en tant que tel, mais aussi une certaine vision de l'alpinisme à laquelle ils sont attachés. Et précisément la dimension culturelle et sociale, peut-être plus que la dimension exclusivement sportive qui de toute manière n'aurait pas pu passer la rampe parce qu'à l'UNESCO on ne peut pas inscrire des sports en tant que tel. Donc l'alpinisme a été présenté plutôt comme une culture que comme un sport. Peut-être n'est-il pas un sport d'ailleurs. Alors, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de spectateur. Il y a pas mal de définitions du sport qui sont très restrictives et qui excluent l'alpinisme par définition. Le sport veut dire compétition, veut dire règles, veut dire plein de choses qui n'existent pas dans l'alpinisme en particulier. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est une pratique sportive et on ne peut pas le dénier, c'est pas tellement intéressant de le dénier. Mais par contre, il y avait un souci de vraiment souligner cette dimension culturelle, l'importance de la transmission, l'importance des relations entre les personnes, selon les statuts, les guides et les clients, par exemple, les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont voulu mettre en avant. Alors Bernard Debarbieu, moi, il me semble que, enfin, je vais en montagne assez régulièrement, et il me semble que les montagnes s'imposent à moi comme des faits bruts. Or, dans votre livre Les faiseurs de montagne, vous montrez au contraire que la montagne, c'est une sorte de construction sociale, historique, géographique, dont la définition ne va pas de soi. n'y a pas de moyen de définir les montagnes. En tout cas, les scientifiques n'y sont jamais arrivés. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur une définition commune. Et à vrai dire, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils parlent de montagne comme une sorte de catégorie commode qui permet quelque part de comprendre tous de quoi on parle sans jamais avoir eu besoin d'une définition formelle. Le seul jour où les seuls contextes pour lesquels on a eu besoin de définir la montagne, ça a été un, les politiques publiques nationales. La France a une définition officielle de la montagne, la Suisse, l'Italie, pas tous les pays d'ailleurs, mais en tout cas les pays qui ont voulu développer des politiques publiques relatives aux régions de montagne. Donc il y a une définition qui est purement administrative et politique. Et puis il y a une dizaine d'années maintenant, une sorte de pseudo-définition proposée par le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui aujourd'hui est utilisé par toutes les agences de l'ONU et qui combine de façon un peu bricolée des critères d'altitude et des critères de pente. Mais franchement, la science n'a pas tellement besoin de ça. Les scientifiques s'accordent très bien pour en gros dire ceci est une montagne, ceci n'en est pas une, mais c'est pas ça qui compte pour eux. Mais j'ai appris en vous lisant Bernard de Barbieux qu'on peut avoir été une montagne et ne plus l'être. Vous citez l'exemple de la montagne de Reims. Mmh, bien sûr, tout à fait. Mais justement, parce que la montagne de Reims était qualifiée de montagne de Reims, elle est encore d'ailleurs aujourd'hui, pour des considérations qui ne sont pas scientifiques. Dans un imaginaire de la montagne qui était pré-scientifique et qui exploitait uniquement la question du contraste topographique et puis l'idée que ce qu'il y avait en haut, c'était pas comparable avec ce qu'il y avait en bas, indépendamment de l'altitude. À laquelle altitude? C'est pas beaucoup, c'est 200. C'est 200, à peu près 200, ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit pouvoir se grimper, ça, non? Absolument. Et c'est même tout plat derrière. C'est même pas une sorte de grosse colline isolée. Non, c'est un bout de plateau en fait. Alors Christian Jacquier, vous avez escaladé beaucoup d'autres montagnes, beaucoup plus hautes que la montagne de Reims. Vous êtes guide de haute montagne, donc je l'ai rappelé. Comment vous avez vécu de l'intérieur, puisque vous avez été une personnalité importante dans cette aventure de l'UNESCO, comment est-ce que vous avez vécu l'affaire de votre côté? Quand est-ce que ça a commencé? Qui a eu l'idée? L'idée, comme Bernard l'a mentionné, l'idée elle est partie d'un petit groupe à Chamonix, hein, notamment les deux guides, Claude Marin et Bernard Prudhomme. Que j'ai invités mais qui ont été empêchés. Voilà, exactement. Et puis qui ont été rejoints assez vite par les Italiens de Courmayeur, puisque la ville de Chamonix et de Courmayeur, à cette époque, organisait un événement qui s'appelait les Piolets d'Or. Et donc il y avait des liens entre les deux côtés du Mont Blanc. Et puis très vite, je crois que c'est devenu une affaire de cordée. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y avait les communes emblématiques, hein, comme Chamonix et Courmayeur, et puis les Suisses assez vite aussi d'Orcières, les Valaisans se sont joints à la cordée. Et puis il y avait évidemment les guides de haute montagne qui dès le départ ont été très intéressés, moteurs sur cette opération. Les guides sont bien organisés, hein, au niveau dans tous les pays, France, Italie, Suisse. Enfin, on a des associations nationales et on travaille très étroitement. Donc voilà, très rapidement les associations de guides se sont joints. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que on retrouve aujourd'hui des guides de haute montagne dans près de au moins une trentaine de pays, et qu'il y a une union internationale, donc il y a un côté universel de ce métier, de cette profession, qui correspond bien à l'idée de cette reconnaissance universelle. Et puis également, évidemment, très vite, les fédérations sportives, ce qui est très un peu plus important, c'est les clubs alpins des trois pays qui se sont joints. Donc ça, c'est essentiellement, voilà, ces trois types d'acteurs qui ont travaillé ensemble dans une cordée bien soudée. Alors le vote de l'UNESCO a eu lieu, je l'ai rappelé, le 11 décembre 2019 à Bogota. Vous y étiez? Qui y était? Moi j'y étais, oui. Bernard Depardieu, vous y étiez, et vous, Christian Jacquier? Nous on n'y était pas, parce que on avait, c'était déjà le début de la saison. Il faut travailler. D'hiver. Et puis voilà, on voulait pas, on croisait les doigts, on voulait pas préjuger du vote. Comment s'est passée la cérémonie, Bernard Depardieu? Alors, il n'y a pas eu de cérémonie à proprement parler. Hein. Il y a eu deux jours de cette semaine de réunion du ce qu'on appelle le comité du patrimoine culturel et matériel qui était consacré aux inscriptions. Certaines inscriptions donnaient lieu à des discussions interminables, une heure et demie, parce qu'il y avait aussi des rapports de force, hein, finalement, entre les États qui étaient représentés dans ce comité. Et puis certaines sont passées extrêmement rapidement parce qu'elles faisaient d'emblée l'unanimité, ce qui était le cas du dossier alpinisme. Donc ça a été un moment qui était très très touchant. Donc les évaluateurs de ce genre de dossier se sont prononcés et ont rappelé, on le savait déjà, mais ont rappelé que le dossier était tout à fait très recevable du point de vue des critères de du comité lui-même. Après, la parole a été donnée à un représentant de l'administration française, à l'ambassade de l'UNESCO, qui a fait un petit discours pour expliquer un peu la chose. Pourquoi le français ? Parce que les trois pays s'étaient mis d'accord pour que la France porte officiellement le dossier à l'UNESCO. Et puis après, il y a eu un moment qui était extrêmement touchant et un petit film de 2 minutes qui a été projeté dans la salle, qui pouvait d'ailleurs être vu également sur Internet. Et puis après, il y a eu un moment tout à fait touchant où beaucoup de délégations, des dizaines de délégations sont venues, se sont levées et sont venues serrer la main des représentants français, suisses et italiens qui s'étaient rassemblés pour porter la proposition. Avec des félicitations particulièrement accentuées parce que beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié le fait que, d'une part, l'alpinisme, ils en avaient plutôt une idée sympathique, donc ça les arrangeait bien. Et en même temps, ça contribuait à élargir ce qu'on a l'habitude d'inscrire au patrimoine culturel et matériel, qui était beaucoup composé de choses qui peuvent paraître un peu folkloriques, et avec le souci maintenant de s'élargir à des pratiques plus modernes. L'alpinisme, c'est quand même extrêmement moderne, hein, historiquement parlant, très dynamique dans ses façons d'évoluer, et il y avait une vraie satisfaction générale d'ouvrir le CCIA. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il est difficile de définir une montagne. Est-ce qu'on peut réciproquement dater le commencement de l'alpinisme? Est-ce que c'est Pétrarque qui escalade le Mont Ventoux en 1300, enfin au 14e siècle, je ne sais plus très bien quand, et qui raconte son épopée? Ou est-ce que c'est la première du Mont Blanc? Est-ce que c'est Antoine de Ville aussi, ou Antoine de Ville, en 1492, en même temps que la découverte de l'Amérique? Parce que les Grecs ne montaient pas sur le Mont Olympe. Et donc c'est le 14e siècle? À vrai dire, peu importe qu'il y ait une définition objective ou pas, ce qui compte, c'est de savoir comment les alpinistes eux-mêmes ont envie de définir la pratique. Et ça a été une des tâches les plus difficiles dans l'élaboration de ce dossier, de se mettre d'accord sur les mots qui permettaient justement d'arriver à quelque chose d'assez consensuel. Alors, quels sont les mots-clés de... Il y a la corde, j'imagine, ou la cordée? Déjà un art et pas un sport, effectivement, un art. L'art de grimper, je crois, sur les rochers, les glaciers ou un truc comme ça, en haute altitude. Donc une définition un peu géographique est liée quand même à une pratique corporelle. Et puis avec tous les aspects culturels qui sont associés à la définition, notamment cette idée de transmission, cette idée de relations sociales qui sont indispensables à la pratique de l'alpinisme. Malgré l'augmentation des pratiques solo, oui, qui contredisent un peu l'esprit de cordée, on se débarrasse... de son compagnon en étant seul et en prenant des risques plus grands qui font qu'on est quand même alpiniste, mais on échappe un peu à l'état d'esprit que vous venez de décrire. Oui, alors c'est tout l'intérêt de l'exercice que j'ai eu la chance, l'immense chance de pouvoir suivre pendant une dizaine d'années. Moi, j'étais simplement un observateur, assez bon connaisseur de ce qui se passe à l'UNESCO, donc j'ai pu les aider quelque part à essayer de présenter les choses de façon convenable aux yeux de l'UNESCO. Mais ce qui était absolument fascinant pour moi, c'était de voir comment le projet était formulé au départ. Il a été formulé un petit peu différemment quand tous les clubs alpins et les sociétés de guides l'ont rejoint formellement. Il a été formulé aussi un petit peu différemment. Et puis il y a ce qui est quelque part entre les lignes, ce qui est un tout petit peu dans l'ombre quelque part de la formulation, parce qu'il y avait aussi le souci quelque part de montrer que on voulait pas tellement encourager la compétition. Il y a des compétitions en escalade, en ski alpinisme, qui justement n'étaient pas tout à fait conformes à cet idéal, l'alpinisme idéal qui était un petit peu mis en avant. Et puis là, les expéditions commerciales, et puis les exploits divers et variés qui conviennent pas non plus toujours à l'alpinisme ordinaire qu'il s'agissait un petit peu de promouvoir ici. Stéphanie Baudet, vous avez suivi cette aventure de l'UNESCO, et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'alpinisme est une culture? Ah oui, tout à fait. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on assiste à une espèce de diversification des pratiques. Alors, on a des gens qui font du base jump, des gens qui font du... Le base jump, c'est... Alors, c'est de la chute libre avec un parachute. Oui, des gens qui sautent peur. Des falaises. Mmh. Après, il y a des personnes qui font du parapente. Et aujourd'hui, même l'alpinisme se diversifie à tel point qu'on peut partir parfois en parapente ou gravir une paroi, ensuite redescendre en parapente. Et puis donc, ces gens-là sont très polyvalents. Moi, ce qui m'intéresse davantage dans la montagne, c'est... dans cette idée de l'alpiniste comme inscription à l'UNESCO, c'est plutôt la préservation d'une éthique, comme le disait Bernard, et savoir quelle montagne on veut continuer à gravir. Est-ce qu'on reste dans cette éthique du fair play que les Anglais avaient dit, c'était by fair means, en fait, gravir une montagne en essayant de faire en sorte d'être en adéquation avec la difficulté qu'elle propose, et donc d'avoir des moyens justes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, qui m'interroge, notamment quand on voit les expéditions commerciales, comme vous le disiez, les gens qui utilisent l'oxygène, les Sherpas qui sont parfois exploités, en fait, sur les grands sommets du monde. c'est une sorte d'aristocratie montagnarde. Hein. On est une petite poignée d'occidentaux comme ça, une aristocratie planétaire à pouvoir voyager où bon nous semble, gravir les grands sommets, en avoir une part d'héroïsme qui en fait est, à mon avis, est surestimée dans la mesure où les gens qui vivent en montagne sont davantage des héros du quotidien. Et donc, il faut aussi distinguer, pour moi, la montagne, c'est un environnement, c'est une façon de s'incliner, de se recueillir face à la beauté. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouvais important, notamment moi qui me pratique l'escalade, d'arriver à montrer aux jeunes grimpeurs qui sont dans des salles d'escalade, qui grimpent sur de la résine, qu'il y a autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire de l'alpinisme sans montagne ? Je ne crois pas, non, on ne peut pas faire de l'escalade. Alors on va dire c'est une gymnastique corporelle, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui développe nos muscles, notre tonicité, mais il nous manque un élément essentiel qui est l'immersion dans cette grandeur qui nous dépasse et à laquelle on se mesure et on peut faire face à ses propres risques. On sait quand on va en montagne à quel moment on doit placer le curseur, c'est vraiment un terrain de connaissance de soi. Voilà, bien davantage qu'un simple sport. Vous écrivez dans votre livre, Stéphanie Baudet, qui s'intitule « La verticale de soi », vous écrivez « L'escalade m'a ensorcelé ». Est-ce qu'il vous a ensorcelé ? Ensorceler, c'est donc une culture aussi ? Alors, c'était à la fois une culture, parce que pour moi, j'ai débuté vers 14-15 ans et je voyais Patrick Hedlinger, Catherine Destivelle. C'était des héros pour moi, ces gens. Alors, Patrick Hedlinger qui vivait dans son camion. C'était une culture aussi un peu beatnik, un peu une sorte d'alternative à la vie courante, au chemin, aux autoroutes toutes tracées. C'était ce chemin buissonnier, moi, qui m'a attiré, je pense, comme tant d'autres. Et ensuite, ce qui m'a plutôt aimanté, c'était le contact avec le rocher, avec ce sentiment de faire corps avec quelque chose qui nous dépasse et d'appartenir à de se relier à un temps immémorial, en fait, qui n'est pas le temps des hommes, qui est celui des montagnes en fusion. Vous parliez de la montagne comme une définition qui est l'activité sismique de la montagne, et de se relier à cette espèce de géographie, de géologie qui est une poésie aussi pour moi. D'ailleurs, Pétrarque en avait fait. Et vous citez Gérard de Nerval qui écrit « Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres ». Mais vous avez été, je l'ai rappelé, champion du monde d'escalade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui relève de la compétition dans l'escalade. Alors effectivement... Mais vous l'avez quitté, je crois. Alors au départ, voilà, j'ai été 14-15 ans, j'étais au Global Alpin français. Il se trouve que les compétitions étaient en pleine émergence, qu'il y avait une sorte d'émulation. Alors j'étais avec des jeunes de mon âge, j'étais assez douée, donc naturellement, j'ai suivi le mouvement et puis j'ai fait des compétitions. Après, évidemment, je me suis entraînée dur et j'ai pu gagner ces championnats. J'avais 23 ans, mais tout de suite, même sans du tout renier ces compétitions qui ont été aussi un outil de connaissance et de confiance et j'ai bien vu que je passais à côté de l'essentiel, qui était pour moi le voyage, l'ouverture à d'autres cultures, et j'avais envie de connaître la montagne dans sa diversité, et je sentais qu'en restant sur mes compétitions d'escalade, je faisais comme le hamster dans sa petite roue qui tourne inlassablement sur son mur, mais qui ne sortira jamais de cette espèce de vie programmée, en fait. Alors, on a dit que le symbole de l'alpinisme, c'est la cordée, mais j'ai lu des livres dans lesquels on définit... On rapproche l'alpinisme d'un romantisme de la solitude. Est-ce qu'il y a un romantisme de la solitude dans l'alpinisme, ou est-ce que c'est une affaire finalement assez collective ? Les romantiques, quand on reprend dans l'histoire de la montagne, je crois qu'il y a quand les grands romantiques, ou vous savez ce tableau de Caspar Friedrich, où on voit cet homme de dos face à, on ne sait pas si une mer du nuage, et cet homme face à la grandeur qu'il dépasse. Et effectivement, je pense qu'il y a... Il y a un sentiment de solitude, d'ailleurs, qu'on peut ressentir même quand on est encordé. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, quand la montagne que se met à vibrer, quand l'orage éclate, on a beau être encordé, on se sent éminemment vulnérable, en fait, et fragile. Vous, Christian Jacquier, qui, en tant que guide, avez été dans d'innombrables cordées, comment est-ce que vous définiriez l'esprit de cordée ? D'abord, est-ce qu'il faut un premier de cordée, systématiquement, ou est-ce que, pas forcément, dans la cordée, la responsabilité est partagée ? Oui, elle est toujours partagée, de toute façon. C'est la solidarité, on s'assure mutuellement. Et ensuite, il y a de multiples façons de composer des cordées. Effectivement, il y a des cordées où on va avoir deux personnes, deux amateurs, qui vont monter ce qu'on appelle en reversible, où chacun va monter l'un après l'autre. Et puis voilà. Et puis, mais il y a aussi toute la évidemment, pour le guide de haute montagne, quand il est avec un client, là, il y a une espèce Il y a une petite asymétrie parce qu'on est vraiment dans la... Il doit assurer la sécurité et il est dans la transmission. Et puis après, il y a toute une dimension qui est très importante et c'est une des quatre dimensions qu'on voudrait développer suite, d'ailleurs, à renforcer suite à l'inscription à l'UNESCO. C'est de pouvoir amener de plus en plus de jeunes vers ces activités de montagne en raison de la haute qualité des valeurs éducatives de la montagne. Donc là, il y a un côté éducatif, transmission, etc. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas alpiniste, il faut être formé. Il y a une part technique, une composante technique qui s'accroît d'ailleurs. Et est-ce que la figure de l'alpinisme un peu héroïque, ceux qui ont fait les premières, ne vient pas du fait que comparativement au matériel dont nous disposons aujourd'hui, eux avaient un matériel extrêmement rudimentaire? Est-ce que les grands alpinistes d'aujourd'hui pourraient faire la même chose que Louis Lachenal ou Lionel Terray dans les Grandes Jorasses? Oui, l'époque est différente, mais je pense que l'homme arrive toujours à aller plus loin et à repousser un petit peu les limites et à trouver des nouvelles formes, en quelque sorte, d'aventure. Donc c'est un petit peu une histoire sans fin. Hein. Mais vous qui êtes président des guides, je l'ai rappelé, est-ce que vous avez l'impression que l'alpinisme est une culture menacée justement, au sens où le nombre de pratiquants qui pratiquent l'alpinisme, disons, traditionnel, aurait tendance à diminuer? Je pense pas. Je pense que c'est une pratique, comme l'avait dit Bernard tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui se développe, qui est très dynamique, qui se diversifie. On a parlé également du développement de l'escalade en milieu urbain, mais on voit bien l'attrait auprès des jeunes de ces pratiques. Et potentiellement, une partie d'entre eux iront, on espère, vers la haute montagne. Donc, je crois que c'est une pratique qui est bien vivante, qui est solide, mais ce qui est intéressant avec cette reconnaissance, c'est qu'on voit bien que derrière, c'est pas uniquement un sport, c'est une culture. Il y a des dimensions esthétiques, éthiques qui sont très importantes. Donc c'est quelque chose de très précieux qu'il faut préserver. Donc il faut rester attentif, il faut préserver cette valeur de l'alpinisme et le promouvoir pour justement attirer de nouveaux publics et en particulier les jeunes. J'ai peur de citer un poncif là, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'alpinisme ou la montagne est une sorte de révélateur de soi? C'est-à-dire qu'on se découvre par la montagne autrement qu'on est dans la plaine? Oui, absolument. Je crois que dans le livre de Stéphanie, on en parle. Hein. C'est une des grosses dimensions de la pratique de l'alpinisme, c'est la découverte de soi-même. Hein. Mais à travers justement aussi l'interaction avec le compagnon de cordée, les autres cordées et les populations. Stéphanie l'a mentionné aussi, pour nous ce qui est très important, on voyage beaucoup et c'est l'occasion de rencontrer les populations de montagne de par le monde, donc des cultures différentes, et c'est une source d'enrichissement très forte. Est-ce que vous avez connu Pierre Mazeaud, Christian Jacquet? Oui, tout à fait. Alors il écrit: l'alpiniste est un homme qui ne se révèle qu'en montagne, tout comme le marin en mer ou l'artiste sur sa toile. C'est une très belle expression, et je crois qu'on peut dire d'ailleurs que les marins, et il y a une très grande proximité entre les marins et les alpinistes, et beaucoup d'alpinistes sont à la fois marins. Il y a beaucoup de rencontres tous les ans entre les marins et les alpinistes. J'ai participé moi-même. Il y avait une maison à Argentière, je crois. Oui, tout près de Tabarly. Oui, j'ai connu Tabarly quand il était aussi à Argentière, et on pratique, on fait des voyages où on combine la mer et la montagne quand on va dans les zones Antarctique, comme Lionel Daudet a pu le faire avec Isabelle Autissier. Oui, tout à fait. Mais vous qui avez donc beaucoup voyagé, je parle là aux trois, du coup, est-ce que vous avez l'impression que les alpinistes de tous les pays se ressemblent? Quand vous allez au Pérou, au Chili, en Pologne, est-ce qu'il y a des différences de comportement, de rapport à la montagne qui sont massives? Alors, il y a toujours, une dimension culturelle, donc il y a forcément un petit peu des différences. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est là je rentre de Bariloche et d'Argentine, où on a fait notre congrès annuel des guides de haute montagne. Hein. On a les guides du monde entier de 30 pays, on se réunit une fois par an. Et ce qui nous frappe, c'est que eh ben on parle quand même le même langage. Il y a une solidarité, une amitié, mais spontanée entre les guides, parce qu'on partage la même passion, le même métier, et il y a quand même beaucoup de proximité, quels que soient les différents pays, les différentes cultures. Claude Marin, qui est également guide et qui n'a pas pu venir, dit dans une interview que les alpinistes sont considérés comme des zozos. Je ne sais pas très bien comment il faut comprendre ce terme, mais est-ce que vous avez l'impression d'être jugé d'une façon curieuse, disons, par ceux qui ne font pas de montagne? D'où vient le désir de grimper, finalement, qui n'est pas tout à fait spontané? Pendant très longtemps, on n'a pas grimpé. Oui. Et au départ, il fallait trouver des prétextes. Si vous regardez la première ascension du Mont Blanc avec Horace Bénédicte de Saussure, c'était pas juste escalader le Mont Blanc pour faire des pratiques sportives, etc. C'était pour la science. Mais c'est pour ça que vous êtes invité à la conversation scientifique. Oui, parce que les alpinistes étaient souvent des botanistes, des géographes, oui. Des gens qui allaient reconnaître le terrain, établir des cartes. Et c'est vrai que mais c'est pas si c'était un prétexte ou il y avait. Oui, c'était peut-être un prétexte aussi, vu la joie de pouvoir quand même s'élever. Moi, je pense que l'envie d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière un col, ce qu'il y a un petit peu plus haut, le désir dans les religions d'aller planter une croix ou d'établir un monastère sur des sommets appartient à ce besoin de cette nécessité d'aller un petit peu au-dessus de soi-même, en fait, de sortir de sa petite personne pour essayer d'accéder à quelque chose de plus grand, quoi. Pendant une bonne partie du XXe siècle, les montagnes ont été utilisées par les physiciens pour détecter le rayonnement cosmique. Avant que les accélérateurs fabriquent des faisceaux plus intenses, mieux contrôlés, etc. Mais on a découvert des particules grâce à l'ascension de montagnes. Alors René Dommal, que je citais tout à l'heure, qui a écrit ce roman assez incroyable, inachevé, qui s'appelle Le Mont Analogue, explique que tant qu'on n'a pas gravi le sommet d'une montagne, elle est considérée comme une sorte de divinité qui nous met en contact avec les cieux. Et puis une fois qu'on l'a gravi, elle devient terrestre, et du coup elle descend symboliquement. Ça veut dire que gravir une montagne, c'est diminuer son altitude, finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les montagnes ont perdu, en tout cas les sommets des montagnes, ont perdu en prestige par le fait qu'ils sont gravis? Oui, en quelque sorte, c'est comme si elles étaient un petit peu désacralisées. Mais on voit d'ailleurs que au Népal, au Tibet, dans certaines régions, il y a des montagnes sacrées et où on s'interdit d'aller fouler le sommet. Il y a encore un certain nombre de sommets. Mais on s'interdit parce que c'est interdit ou parce que symboliquement on ne veut pas provoquer la culture justement qui en fait des zones sacrées. Je crois que c'est intéressant symboliquement de dire, mais voilà, il reste quand même un certain nombre de sommets, voilà, qui vont rester vierges parce que, par respect, je dirais, de la culture locale, mais je pense que c'est intéressant. Bernard de Barbieux, vous voulez réagir? Oui, dans votre question, il y a une ambiguïté que je trouve extrêmement intéressante. Il y a effectivement toute une série de sommets qui sont considérés comme étant sacrés dans les cultures traditionnelles et vis-à-vis desquels les alpinistes du monde entier peuvent être tentés de désacraliser, non pas pour le plaisir de désacraliser, simplement parce que c'est un sommet parmi d'autres, et d'autres qui, au contraire, sont très soucieux de respecter les cultures locales. On a un très bel exemple qui s'est produit l'automne dernier, puisque ça fait des décennies déjà que les aborigènes d'Australie demandaient à ce qu'on interrompe les ascensions de ce sommet principal que tout le monde connaît, que tout le monde a dû j'ai vu en photographie, qui s'appelle Ayers Rock en anglais, et qui s'appelle Uluru dans la langue locale, et ils ont obtenu cette interdiction des ascensions. Le grand paradoxe, c'est qu'elle est intervenue au mois d'octobre dernier, enfin, elle devait prendre effet en octobre dernier, et durant les semaines et les mois qui ont précédé, il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont montées au sommet, précisément pour être les derniers à pouvoir le faire. Donc il y a déjà un peu cette ambiguïté, de là à dire que le fait qu'il y ait des alpinistes qui grimpent sur les sommets, et tous les sommets de la planète, et en diminuerait quelque part l'altitude symbolique ou les désacraliserait, je pense pas. Je pense que l'alpiniste a gardé quelque chose qu'on trouve d'ailleurs extrêmement clairement dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui est le principe de l'élection. Celui qui va sur la montagne est celui qui est élu parce qu'il se rapproche du divin. Et toutes les façons qu'on a d'invoquer la montagne dans la Bible, encore une fois, Ancien Testament, Nouveau Testament, sont des moyens de pointer les élus. Le Christ au premier, mais aussi Moïse, mais aussi Abraham, mais aussi les autres. Et je pense que cet imaginaire para-religieux, il est présent dans l'alpinisme. Il y a l'idée que on accède quelque part à une une sorte de statut un peu différent qui, bien sûr, renvoie pas explicitement au biblique ou au religieux, mais qui élève l'âme et l'esprit et qui donne aussi une sorte de caractérisation particulière de celui qui... Et c'est ça qui explique que les pionniers aient souvent été considérés comme des héros au point de faire la une de Paris Match, comme, comme les premiers vainqueurs de la Napurna, par exemple, ou Bonatti... Il y a toujours eu de l'incompréhension. Pétrarque lui-même, hein, dont vous disiez qu'il avait gravi le Ventoux. C'est lui. Non, on n'est même pas sûr qu'il l'a fait. Vraiment. Non, il y a des historiens de la littérature qui pensent que c'est une fiction, en fait. Et qui, justement, comme il s'interdisait la chose, parce que ceux qui connaissent un peu le détail de son récit montrent qu'il se sent extrêmement coupable de l'avoir fait à la fin. Je vous passe un peu les détails. Donc c'est possible qu'il ne l'ait pas fait. Mais en tout cas, il est l'expression de cette envie de le faire. Et il y a un des tout premiers, encore une fois, ça remonte au Moyen-Âge. Mais même après, les Saussures et les autres, donc 17e, 18e, 19e, n'ont pas toujours été compris à l'époque où ils ont commencé à faire ce genre de choses. Parce qu'il y a ce côté un peu gratuit qui d'ailleurs les rendait un tout petit peu coupables. C'est pour ça que Saussure, tout en disant qu'il était fasciné par le Mont-Blanc qu'il voyait depuis chez lui parce qu'il habitait à Genève, il devait trouver des prétextes scientifiques et il était évidemment très intéressé par la science elle-même, bien sûr. Donc il a fait des contributions extrêmement importantes à l'histoire naturelle, mais il devait se justifier en permanence du pourquoi aller sur les sommets. Et je pense que ça a toujours existé, et ça existe encore dans l'actualité maintenant. Stéphanie Baudet, vous avez été désignée comme étant, parmi les invités, celle qui allait choisir le titre de la chanson que nous allons écouter. C'est Tiger de Émilie Loiseau, vous nous direz ensuite les raisons de ce choix. La conversation scientifique, Étienne Klein. Stéphanie Baudet, vous avez choisi cette chanson, on devine pourquoi, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons. J'aime bien Émilie Loiseau, les paroles, et puis là, elle reprend un poème de Blake, en fait, William Blake, et comme j'aime beaucoup ce poète. Donc voilà, et puis je crois que c'est un hommage à la chanteuse Lassa, qui est décédée assez jeune, d'un cancer je crois. Quand on vous écoute, ou surtout quand on vous lit, on a l'impression que, à vos yeux, la montagne est nimbée de littérature. Alors oui, c'est vrai que je crois que je l'ai davantage arpentée d'abord dans les livres, étant une enfant fragile, souvent malade, et puis mes parents avaient une bibliothèque bien fournie. Vous êtes une championne du monde physiquement fragile. Voilà, non, mais je pense que parfois, finalement, nos petites déficiences physiques n'empêchent pas de gagner des rêves, en fait, et au contraire, nous donnent des forces qu'on ne soupçonnait pas parfois, nous obligent à aller chercher loin dans des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Vous êtes la troisième femme à avoir gravi le Capitaine. Cette paroi mythique, on peut dire ça, californienne. Oui. 1 kilomètre d'ascension verticale, ce qui est autre chose qu'un kilomètre de marche horizontale. Oui, c'est une paroi, c'est fantastique. Alors aujourd'hui, c'est devenu un stade. Où je vous avais peut-être vu Alex Honnold le gravir justement cette voie que j'avais fait en solo intégral. C'est assez fascinant et en même temps vraiment effrayant. Et c'est bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce d'école de fissures. Alors on appelle fissures quand le rocher est fracturé. Et dans cette paroi, vous en avez toutes les sortes. Donc ça vous oblige à réinventer la gestuelle et parce que souvent dans nos montagnes à nous, ou dans nos parois, qui sont plus calcaires, hormis à Chamonix, on est dans une escalade plus horizontale où les prises sont à l'extérieur sur le rocher, en surface, et on s'agrippe sur des petites prises. Et là, il faut créer sa propre prise avec son corps. Donc ça fait des mouvements assez particuliers. J'imagine. Alors, on associe souvent la montagne, enfin la pratique de l'alpinisme, notamment au fait que ça a un rapport avec la pensée, c'est-à-dire ça aère l'esprit et ça nous décharge de toutes sortes de lourdeurs psychologiques. Nietzsche, dont je ne crois pas qu'il était un grand alpiniste, écrit dans Ecce Homo, enfin, il conseille ceci, ne jamais prêter foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps, ne prêter foi à aucune idée où les muscles n'aient été eux-mêmes de la fête. Alors, c'est vrai que Nietzsche là parle davantage de la marche. Alors, en escalade, il se produit un fait un petit peu différent. C'est que dès qu'on quitte le sol, vous l'avez peut-être remarqué, vous qui pratiquez, on est instantanément projeté dans le moment présent. On fait corps vraiment avec l'instant. Et ça, c'est assez fou. Donc, les pensées, alors, on n'a pas besoin de faire de la méditation ou du yoga, même si ça peut nous aider après à changer notre rapport à la montagne, mais les pensées sont tout de suite apaisées. Il y a un calme. Et moi, je me souviens, comme enfant qui avait des problèmes respiratoires, c'était immédiat. Dès que je me mettais sur le rocher, il y a un calme qui advient. La peur, pourtant, vient aussi très souvent nous visiter, mais ça n'empêche pas qu'on est dans une espèce de bulle, de moment. Enfin, le temps se dilate, en fait. On fait une sorte d'éternité qui se concentre, le passé, le futur, voilà. se condense dans le présent. C'est ça, puis on est attentif, on est en éveil. Enfin, le corps animal est revitalisé, donc on est aux aguets, en fait. On est à l'affût de la prise suivante. On est concentré sur les petits mouvements qu'on doit faire tout de suite et maintenant. Et puis de temps en temps, le regard s'ouvre quand on arrive à ce qu'on appelle un relais ou sur une belle petite plateforme. Là, on assure notre compagnon et puis on peut admirer le paysage, voilà, sentir qu'on fait partie de cette atmosphère assez unique. Alors, je reviens à l'alpinisme à l'UNESCO. Est-ce que cette vision de l'alpinisme n'est pas un petit peu idéalisée? On parle de l'esprit de cordée, mais il y a des cas où les cordées, ça se passe mal. Il y a des engueulades qui peuvent être assez farouches. Christian Jacquier, vous avez connu ça? Oui, parce que la montagne, l'alpinisme, c'est aussi voilà une affaire d'hommes et entre les et de femmes et de femmes et entre les hommes, voilà, parfois il peut y avoir des conflits, on est confronté à des situations qui peuvent être extrêmes ou difficiles et on peut avoir des divergences. Donc, il y a toute l'histoire de l'alpinisme est peuplée d'anecdotes de ce genre. Ben, par exemple, la première de l'Annapurna avec Herzog et Lachenal, ils sont allés tous les deux au sommet, enfin c'est du moins ce qu'on pense, mais ça s'est pas très bien passé. Leurs versions au retour n'ont pas été exactement les mêmes. Oui, parce qu'on était dans une période, je dirais, un petit peu particulière, qui était peut-être un peu une perversion quelque part. 1950. C'est-à-dire où c'était c'était l'après-guerre, il fallait les États voulaient fabriquer des héros. Il y avait une dimension un peu nationaliste, c'était des expéditions d'État, etc. Et là, typiquement, on avait Herzog qui voulait à tout prix faire le sommet par rapport à cette ambition de devenir un héros national, etc. Alors que Lachenal, qui était un guide de montagne, lui voulait quand même préserver ses pieds. Et il ne voulait pas les donner à la jeunesse de France, comme il le dira après. Mais il est resté avec Herzog jusqu'au sommet parce que, dit-il, c'était une affaire de cordée. Donc l'esprit de cordée a quand même joué un rôle dans... Oui, parce qu'il y a, il y a cette question de, dans l'esprit de Courdet, il y a aussi cette notion de solidarité et de responsabilité. C'est-à-dire qu'Herzog, je pense, se sentait quand même responsable de ramener Herzog vivant. Donc finalement, il est allé avec lui jusqu'au sommet et il a laissé ses pieds et ses mains. Mais ils étaient considérés comme des héros, l'un et l'autre. Et pourtant, aujourd'hui, les alpinistes sont parfois considérés comme des gens qui prennent des risques. Et le rapport au risque a lui-même changé. Est-ce que ça change votre métier de guide, par exemple? Est-ce qu'il il arrive qu'un compagnon de cordée, en l'occurrence un client, puisse se transformer en plaignant après un accident ou... Oui, je crois qu'il y a... On constate aujourd'hui qu'il y a, au niveau de la société en général, il y a une évolution, je dirais, vers une aversion au risque. Et donc c'est normal d'éviter une prise inconsidérée de risque et d'éviter les accidents, etc. Mais je pense que une société qui développe une aversion excessive à toute prise de risque est une société qui ne pourra plus avancer. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une évolution, notamment qui se traduit par une judiciarisation excessive, croissante, qui est un peu inquiétante. Et ce qui m'inquiète le plus, moi personnellement, c'est que ça a gagné notre système éducatif. Aujourd'hui, l'éducation nationale en France, je dirais, cultive, développe cette aversion total à la prise de risque, puisqu'on n'emmène plus les enfants en montagne. On considère que c'est mieux de rester dans les salles de classe et de les classes vertes, les classes de neige, etc. Contrairement à ce qui se passe dans certains pays, sont en train un petit peu de disparaître. Et je pense que c'est une évolution qui pose un vrai problème. Le Dalai Lama disait on ne réalise rien de grand dans la vie sans prise de risque. Et je crois que élever notre jeunesse dans une aversion totale à la prise de risque, je pense que ça, c'est une erreur. Vous diriez donc qu'une bonne maîtrise du risque consiste non pas à le bannir, puisque c'est impossible, mais à s'y confronter pour se former et se conformer à son existence. Exactement. Donc l'alpinisme apprend à maîtriser les risques et non pas... Et c'est pas en les évitant systématiquement qu'on les annule. Exactement. D'ailleurs, un risque, c'est pas la même chose qu'un danger. C'est le produit d'une exposition par un danger. Mmh. Et donc, si on voulait réduire ou annuler le risque de l'alpinisme, il suffirait de supprimer l'alpinisme. Mmh. Mais c'est pas si simple, parce qu'on perdrait, du coup, les valeurs qui en font une culture. Exactement. Bernard de Barbieux, vous qui connaissez bien à la fois la géographie de la planète et puis l'histoire de l'alpinisme, est-ce que vous pensez que l'esprit de cordée va pouvoir subsister, ou est-ce que vous pensez au contraire que le fait d'avoir décrété que l'alpinisme est une culture ne va pas contribuer à le fossiliser, rendre une pratique désuète? Alors non, je pense que le risque n'existe pas parce que, et il y a peut-être un malentendu derrière, justement, quand on parle de patrimoine, de façon générale, on a un peu tendance à penser à quelque chose qui va être protégé, mis sous cloche, ce qui est le cas d'ailleurs de certains sites du patrimoine mondial qui sont effectivement extrêmement protégés, et d'autant plus qu'ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ce qui est du patrimoine culturel immatériel, c'est pas du tout la philosophie qui est portée par l'UNESCO et les experts qui travaillent pour eux. Il s'agit d'identifier des pratiques qui ont une valeur culturelle, une valeur symbolique, une valeur sociale, et de s'assurer que les conditions sont là pour que non seulement elle soit bien sûr pérennisée, mais qu'elle puisse également évoluer. Donc il y a une très grosse insistance sur les structures de formation, sur les différents systèmes d'accompagnement de telle ou telle pratique pour veiller à ce qu'elle soit vivante. Elle soit vivante et elle s'autorise à évoluer. Il y a même dans certains pays, c'est le cas de la Suisse par exemple, une sorte de traduction de la notion de patrimoine culturel immatériel en une autre expression qui est tradition vivante. En Suisse, qui est l'expression qui est utilisée, justement pour montrer qu'il s'agit de choses qui s'inscrivent dans le temps long, mais qui en même temps se donnent la possibilité d'évoluer. Donc ils sont à la fois du passé et du futur. Et de façon générale, et c'est pas tellement l'acception qu'on a du patrimoine quand on parle un peu de façon ordinaire, mais moi j'aime bien beaucoup faire référence à une citation d'un sociologue français, André Micou, qui parle du patrimoine de la façon suivante. Pour lui, ça consiste à dire « je procède de ce qui me précède ». Ou bien si on le dit au pluriel, mais l'allitération est beaucoup moins efficace, « nous procédons de ce qui nous précède ». succède. Et j'aime beaucoup cette formule qui, à mon avis, est très très juste pour désigner ce qu'est le patrimoine. Je procède, c'est-à-dire j'agis, je suis dans le présent, je me projette également dans le futur, mais ce qui me précède compte. Et la mémoire collective de la pratique dont je suis un adepte, elle joue un rôle extrêmement important. Et ça marche très très bien pour justement rappeler à quel point la dimension historique et culturelle de l'alpinisme agit au présent et permet aussi de se projeter dans le futur. Mais ça veut dire qu'un alpiniste se doit de connaître un peu, au moins, l'histoire de l'alpinisme, notamment des sommets qu'il gravit. Et voilà un des grands enjeux. C'est quelque chose, je ne sais pas si Christian sera d'accord avec ça, quelque chose qui tend à se perdre un tout petit peu. Pendant très très longtemps, les alpinistes passaient probablement au moins autant de temps à lire la littérature de montagne, comme on dit volontiers, quand qu'à être sur temps. Les sommets, même quand il fait mauvais temps, le soir, ou quand les conditions ne sont pas réunies. C'est peut-être quelque chose qui s'est perdu. C'est une des choses que j'ai vues d'ailleurs disparaître un tout petit peu de certains programmes de formation des professionnels de la montagne, où il y avait des cours extrêmement nombreux sur l'histoire, sur la culture de l'alpinisme, et puis ces cours se sont recentrés un peu sur la technique et sur le droit, précisément pour les questions juridiques dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, les alpinistes ne sont pas comme des skieurs qui s'intéressent aux pentes qu'ils fréquentent, mais qui n'ont pas idée du milieu dans lequel ils sont. Mmh, c'est ça. Christian Jacquier, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes président des guides, comment ont réagi les guides à l'annonce de cette sorte de distinction qui relève d'un vote ? Je crois que les guides sont très satisfaits, parce que c'est quand même une reconnaissance universelle d'une pratique, et comme on disait aussi, dans toutes ses dimensions. Et c'est 178 États, mais il n'y a pas les États-Unis, où pourtant il y a beaucoup de montagnes aux États-Unis. Oui, mais là, c'est des raisons politiques. Les Américains nous ont habitués à rentrer et à ressortir des différentes agences onusiennes au gré de considérations géopolitiques. Donc on peut espérer qu'ils reviendront un jour à l'UNESCO, parce qu'il y a des montagnes aux États-Unis, mais il y a aussi une culture, j'imagine. Vous imaginez, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas les États-Unis, si vous avez grimpé. On a expliqué tout à l'heure que le métier de guide change du fait que le rapport au risque est modifié, mais il y a aussi évidemment le changement climatique qui fait que les montagnes elles-mêmes changent. Les dangers se déplacent. Est-ce que vous l'observez vous-même? Là, je m'adresse à Stéphanie Baudet aussi bien qu'à Christian Jacquier ou à vous-même, Bernard de Barbieux. Vous l'observez dans votre fréquentation de la montagne? Alors oui, moi j'ai clairement changé de manière de pratiquer la montagne l'été. Pourtant vous êtes toute jeune. Il y a des phases de granit qui peuvent s'effondrer. La montagne bouge en fait. Et puis moi c'est au-delà du risque. C'est quand il y a une grande tristesse en moi quand je vais en montagne l'été, parce que je suis pas très vieille, mais j'ai connu certaines pentes, certaines faces nord qui étaient drapées de blanc et qui étaient merveilleuses. Et aujourd'hui ce sont des tas de gravier, de grisâtre, noirâtre. Et donc vraiment c'est tous ces effondrements. Je ressens comme un effondrement presque de la civilisation, en fait, quand je vois les montagnes s'effondrer. Pour moi, il y a un rapport de mélancolie assez, assez important qui fait que, alors, au-delà évidemment des risques à prendre, j'ai envie parfois d'aller sur des faces calcaires, des choses qui me projettent dans une forme d'impassibilité, de stabilité. Voilà, et... Christian Jacquier, vous êtes un peu plus âgé que Stéphanie Baudet. Donc, normalement, vous avez dû voir davantage d'évolution. Encore plus, absolument, oui. Oui, on est les premiers acteurs hein, du changement climatique, du réchauffement, puisqu'on sait d'ailleurs que les effets du changement sont beaucoup plus forts et rapides dans les zones de montagne et dans la cryosphère en général. Donc nous, on est vraiment en première loge, on est les premiers témoins de ce changement qui est en train de s'accélérer. Et qui Donc vous êtes des observateurs et en même temps vous pouvez renseigner les scientifiques en leur communiquant des données observationnelles. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on est à la fois des observateurs et donc des lanceurs d'alerte, parce que je crois que la situation, elle est vraiment gravissime et qu'il faut vraiment que le monde entier se mobilise maintenant très sérieusement sur cette question sans attendre. Donc on est des lanceurs d'alerte, mais on est aussi des observateurs privilégiés, les chercheurs nous le disent, puisque la cryosphère, c'est l'endroit où actuellement C'est l'endroit privilégié pour développer de la connaissance sur ce qui est en train de se passer. Et les guides de haute montagne, ils sont nombreux et ils sont toute l'année en haute montagne. Donc on est des observateurs un peu privilégiés. Et le travail qui commence à se faire entre les chercheurs et les guides, à travers notamment aussi les smartphones qui nous permettent de documenter des choses de façon un petit peu scientifique et de les communiquer immédiatement dans des bases de données pour les chercheurs, ça permet d'avoir un enrichissement mutuel. En échange, les chercheurs nous envoient aussi des messages d'alerte et des informations qui nous permettent, nous, de nous adapter dans nos pratiques, parce que il est évident que la nature et l'intensité des risques en haute montagne est en train d'évoluer très fortement. Donc nous sommes, c'est notre métier, on sait s'adapter, mais il faut qu'on s'adapte vraiment très très vite maintenant. Donnez un exemple, par exemple, la mer de glace que vous avez connue, j'imagine, il y a 40 ans, ouais. Comment était-elle par rapport à aujourd'hui ? Est-ce que... Moi qui suis à peu près de votre génération, j'ai vu l'évolution qui est incroyable. Dans le bas de la mer de glace, moi je me souviens très bien quand on terminait la vallée blanche par exemple, il y a une petite remontée pour arriver au Motet et à l'époque on passait en pas de patineur. Oui. Et aujourd'hui, on arrive dans un creux et on déchausse et on a 200 à 300 mètres de montée, une demi-heure de montée. Donc on voit et on peut voir vraiment la différence d'épaisseur. C'est l'épaisseur du glacier, vous vous rendez compte, 200 à 300 mètres d'épaisseur de glacier qui a disparu, quoi, et ça continue. Ça veut dire que la mer de glace contredit son anagramme, qui est « garde le calme ». Elle ne garde pas le calme, elle s'échauffe. Est-ce que le téléphone portable a complètement changé votre métier de guide, Christian Jacquier? Oui, c'est sûr que c'est un élément de sécurité qui aujourd'hui est un petit peu indispensable. Ça nous permet le bon côté des choses, c'est que on l'utilise beaucoup pour échanger entre guides, parce qu'on parlait un petit peu de la solitude en montagne, et c'est vrai que les guides, ils ont un métier difficile, ils sont souvent seuls avec leurs clients et ils doivent prendre leur décision tout seul, voilà. Mais en fait, maintenant, on découvre que effectivement, on est autour de nous et il y a plein de guides qui sont en train de faire la même chose tout autour. Et maintenant, à travers les systèmes d'échange via les smartphones, on peut être en communication et donc partager des informations et aussi certaines prises de décision. Donc ça aide, j'imagine, à la sécurité. Oui. Et ça ne sert pas donc qu'à appeler les secours. Ça communique des informations qui peuvent être importantes pour puisque la montagne change très vite et donc il faut être mise au courant en temps réel. Voilà. Donc comment c'est les pionniers qui grimpaient sans connaître les conditions météo qui les attendaient? Eh ben, c'était beaucoup plus difficile. Hein. On se rappelle d'histoires dramatiques comme celle qu'il y avait eu avec Bonatti, Pierre Mazot au pied central du Fresnay. Parce que voilà, en plein mois de juillet, ils ont été pris par la tempête. Une tempête arrive soudainement et ça s'est terminé de façon dramatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des prévisions qui permettent d'éviter ce genre de situation. Après, on parlait d'éthique, etc., d'esthétique. Il peut y avoir aussi des alpinistes aujourd'hui qui vont justement renoncer à ce moyen de communication pour retrouver un petit peu ces conditions plus... Pour se déconnecter. Pour se déconnecter. Voilà. Bernard de Barbieux, est-ce que il y a une définition unanime de ce qu'est une culture ? Non, absolument pas. C'est un immense débat dans l'anthropologie et dans les sciences sociales de façon générale. Et il est évidemment constamment ouvert et réouvert et on n'arrivera jamais à le fermer. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. Je crois que c'est intéressant justement d'y réfléchir et d'en discuter. Après, encore une fois, quelle que soit l'expertise que des anthropologues ou des chercheurs peuvent avoir sur tel ou tel concept, moi, ce qui me paraît important, c'est d'écouter les personnes qui parlent de ce qu'elles font. Et c'est finalement dans l'expression, dans la façon de penser ce qu'on fait et de qualifier ce qu'on fait qu'on rencontre quelque chose de quelque chose d'important qu'on peut très bien convenir d'appeler une culture ou pas. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a un point de vue sur la réintroduction d'animaux sauvages dans les montagnes ? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec la culture ou est-ce que c'est complètement indépendant ? Alors moi je trouve que ça a à voir avec le milieu. Alors évidemment on sait aujourd'hui que les points de vue varient d'un agriculteur, d'un éleveur aux écologistes, voilà. Mais moi je trouve que c'est vraiment important de réapprendre à vivre avec le sauvage. Ça fait partie, pendant très longtemps, les gens ont vécu avec... c'est comme dire, bah, tiens, la montagne, finalement, supprimons les avalanches et supprimons les chutes de pierre parce que ça nous ennuie, quoi. Alors on supprime les loups, on supprime les ours. Et oui, non, je trouve que ça serait beau de réapprendre à vivre avec tout ça quand on sait notamment qu'il y a très peu d'animaux sauvages, que la plupart des animaux dans le monde aujourd'hui sont des bêtes domestiques ou des bêtes qu'on utilise pour de l'élevage ou autre. Oui, mais moins il y en a, plus ils apparaissent comme étant sauvages, justement, et difficiles à apprivoiser. Christian Lesquet. Je crois que, d'une façon générale, en tout cas nous les guides, on est très attachés à la faune et à la flore de montagne et à la biodiversité, et à préserver la biodiversité notamment de cette faune. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie menace sur ces animaux comme les gypaètes barbus ou les tétralyres ou d'autres. Et donc aujourd'hui, les guides ont fait un travail pour mieux comprendre les risques par rapport à, et en quoi nos pratiques peuvent impacter négativement cette faune. Notamment l'hiver, par exemple, quand on fait du ski hors piste, on peut être amené, si on va dans des zones de tétralyres, à tuer des tétralyres involontairement. Donc on fait tout un travail maintenant avec les chercheurs, les gens qui travaillent dans les réserves, pour mieux comprendre voilà cette problématique et adapter nos pratiques et former les guides qu'ils puissent aussi transmettre ça à leurs clients. C'est-à-dire qu'un guide est censé pouvoir commenter la faune et la flore voilà. Des paysages qu'il traverse. Voilà, expliquer aux clients et expliquer pourquoi on va pas skier telle pente parce que on voit qu'il y a des zones de tétralyres. Mais est-ce que ça joue dans votre sélection des guides puisqu'il y a énormément de candidats pour l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix, assez peu d'élus. Est-ce que les critères justement culturels ont une part importante par rapport aux critères purement physiques ou techniques ? C'est vraiment une question d'actualité, effectivement, parce que je dirais que au départ, on a beaucoup privilégié les compétences, les qualités techniques d'alpinistes pour sélectionner les guides. Hein. On sait que ça, effectivement la compétition à l'entrée de l'école nationale est très forte. Il faut présenter une liste de courses. On a 40 places et puis il y a des centaines de candidats parce que c'est quelque chose qui attire énormément comme métier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'école nationale, on a un débat justement pour modifier un petit peu les critères de sélection des candidats et aussi d'ailleurs des professeurs pour mieux prendre en compte la diversité des compétences, des qualités qu'on attend. Qu'est-ce que c'est un bon guide pour le 21e siècle? C'est pas seulement quelqu'un qui va escalader avec beaucoup d'agilité dans une montagne, mais qui aura plein d'autres qualités. Humaine. De pédagogue, humaine, etc. Enfin, tout ce qu'on appelle un peu les compétences douces aussi, de connaissance de l'environnement. Donc, comment mieux prendre en compte dans la sélection? C'est plus compliqué de sélectionner les candidats par rapport à des critères comme cela. Bernard de Barbieux. Oui, peut-être pour finir, j'aimerais un tout petit peu résister quand même à cette tentation du pessimisme qu'on peut avoir dans nos discussions là aujourd'hui et puis de façon générale par rapport à pas mal d'évolutions climatiques ou sociales. Le changement climatique et ses manifestations en fait en haute montagne, je suis le premier à être atterré et extrêmement attristé de ce que je vois évoluer d'une année sur l'autre, même dans le massif du Mont-Blanc, c'est très spectaculaire et ça m'attriste beaucoup. Et pourtant, chaque année, je monte dans le massif du Mont-Blanc avec des étudiants qui viennent du monde entier et qui découvrent ça pour la première fois, qui travaillent sur les développements durables. C'est aussi pour leur montrer aussi comment on peut réfléchir au développement durable dans ce genre d'environnement. Et ils sont tous absolument fascinés. Et ils sont interloqués par ma façon d'être déstabilisé par ce que je vois d'une année sur l'autre, parce que les choses, pour moi, évoluent extrêmement rapidement. Toujours sur le changement climatique, on peut aussi se rappeler que la vallée du Yosemite dont on parlait tout à l'heure quand on parlait du Capitaine a été une magnifique vallée glaciaire et maintenant il n'y a plus un seul glacier et pourtant c'est une vallée magnifique. Donc je suis pas en train de dire que le changement climatique c'est pas important, c'est une vraie catastrophe et c'est une vraie responsabilité pour nous de le prendre au sérieux, mais que quelque part l'alpinisme peut se réinventer et les paysages peuvent se réinventer par rapport à ça. Et puis par rapport à l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO, l'objectif c'était de lutter contre toute une série de menaces, de dérives, hein, la judiciarisation dont on a parlé, la compétition, la marchandisation, la banalisation, la médiatisation. C'était pas possible de mettre ça en avant parce que c'est pas ce que l'UNESCO attend, mais c'était une claire volonté des porteurs de projets, quelque part, de se saisir de ces menaces et puis de lister, et c'est à peu près la moitié de l'affiche à l'UNESCO qui ressemble à ça, de lister des mesures de sauvegarde qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre. Donc c'est pas parce que l'alpinisme est inscrit qu'il est quelque part protégé de quoi que ce soit. Au contraire, c'est un chantier qui s'ouvre et qui va durer des années et des années, qui va être évalué d'ailleurs par l'UNESCO pour qu'il puisse y avoir toute une série de modifications, ou en tout cas d'interventions qui peuvent lutter contre ces évolutions un peu dangereuses de la pratique. Je retiens de notre conversation que la montagne est une sorte d'école qui accueille volontiers les rebelles. Ça vous va comme définition ? Je vous remercie d'être venus tous les trois à la conversation scientifique. Bernard de Barbieux, Christian Jacquier et Stéphanie Baudin. C'était donc la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouverez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.